D'un premier mariage, Mr. Henry Dashwood avait eu un fils. De sa seconde épouse, il avait 3 filles. Le fils, un jeune homme digne et pondéré, voyait son avenir largement assuré grâce à la fortune de sa mère, qui avait été considérable et dont la moitié lui revint lors de sa majorité. Son propre mariage, qui eut lieu peu de temps après, ajouta encore à sa richesse. Pour lui, donc, la succession au domaine de Norland ne revêtait pas vraiment autant d'importance que pour ses sœurs. Le vieillard mourut. On procéda à la lecture du testament qui, comme presque tous les testaments, provoqua autant de déception que de satisfaction. Le testateur ne poussait pas l'injustice ni l'ingratitude jusqu'à laisser son domaine à quelqu'un d'autre qu'à son neveu. Mais il le lui laissait en introduisant des dispositions restrictives qui rendaient le lait moitié moins appréciable. Mr. Dashwood avait souhaité cet héritage davantage pour sa femme et ses filles que pour lui-même ou pour son fils. Or, c'était ce fils et le fils de celui-ci, un enfant de 4 ans, qui devait hériter à leur tour. Et des clauses faisaient qu'aucune possibilité ne lui était laissée, à lui, Mr. Dashwood, de pourvoir aux besoins de ceux qui lui étaient les plus chers et dont l'avenir était le moins assuré. Your son has arrived from London, sir. Father. John, tu découvriras à l'ouverture de mon testament que je n'ai hérité Norland et le domaine que grâce à une clause qui ne me permet pas de les partager entre mes 2 très chères familles. Calmez-vous, père, vous allez vous faire du mal. Norland, dans son intégralité, est de ce fait à toi, comme le veut la loi. J'en suis heureux pour toi et pour Fanny. Mais à ta belle-mère, mon épouse et à ses filles, je n'ai pu laisser pour tous les que 500 livres par an, à peine de quoi vivre, et cela ne laisse pas de dot aux filles. Tu devras t'en occuper. Mais bien sûr. Fais-moi la promesse solennelle. Je vous le promets, père, je vous le promets. Vous en occupez? Qu'entendez-vous par vous en occuper? Ma chère, je me suis fixé de leur donner 3000 livres. Un tel don m'exonérera à coup sûr de la promesse faite à mon père. Sans aucun doute, plus que largement. Alors, 1500 livres, que dites-vous de 1500? Quel frère ferait même la moitié d'un tel sacrifice pour ses vraies sœurs? Et elles ne le sont qu'à demi. Elles ne peuvent rien espérer d'autre. Nul ne saurait dire ce qu'elles espèrent. La question est qu'êtes-vous en mesure de faire? Avec 20 livres de temps en temps, je remplirai largement ma promesse, vous avez raison. C'est l'évidence! Pour tout vous dire, je suis même certaine dans mon fort intérieur que votre père n'envisageait pas de leur donner du capital. Elles auront déjà 500 livres par an pour elles. Et je vous demande ce que 4 femmes peuvent vouloir de plus sur cette terre. Elles n'auront pas de dépenses d'entretien, non. Pas de frais de voiture ni de chevaux, à peine quelques domestiques et elles ne recevront pas. Imaginez à quel point elles vivront dans le confort. Ce sont elles qui seront bien plus à même de faire un geste envers vous. Bonjour Marie-Laure Massey-Chamaillou. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes maître de conférence en études anglophones à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'auteur d'un livre en anglais, Between Secrets and Screens, Sentiments Under Scrutiny, qu'on trouve aux éditions PUF. On parle de raison et sentiment ce matin, on s'attend à un roman à l'eau de rose, en tout cas une réflexion autour de ce conflit souvent entre la raison et le cœur quand on est amoureux. Et voilà que le roman s'ouvre, j'en ai lu quelques lignes et puis vous avez entendu l'extrait du film d'Ang Lee, qui est une adaptation très fidèle au roman, avec des considérations financières. Mais pendant des lignes et des pages entières, on parle d'argent dès le début, pourquoi? Pendant 2 chapitres, ouais. Effectivement, et ce début qui est quand même très aride peut désarçonner les lecteurs et même les décontenancer. Alors bon, quand on connaît un petit peu Jane Austen, on se rend compte que parler d'argent n'est ni neutre ni gratuit pour elle, parce que d'abord cette thématique organise la matière romanesque, elle la structure, et puis elle fait écho à l'histoire familiale de Jane Austen, à son impécuniosité, au fait qu'elle-même n'avait pas de dot. Alors elle n'appartient pas tout à fait à la même classe sociale que les demoiselles Dashwood, elle est vraiment à la limite. l'élite de la gentry, sur les franges inférieures. Mais là, on se rend compte en écoutant cet extrait, d'ailleurs ces deux extraits qui sont très bien choisis, parce qu'on se rend compte de la déchéance sociale qui attend les sœurs Dashwood. On comprend que sans argent, pour les femmes, pour la condition de la femme, elles vont devoir faire face à un avenir particulièrement compliqué. Et on comprend que là, on s'éloigne vraiment d'un roman à l'eau de rose, parce qu'il y a des considérations vraiment réalistes qui vont venir tempérer, alors de manière peut-être encore une fois un peu âpre, un peu trop matérialiste, ce télos romantique, puisque à la fin, on peut en parler, il y a quand même deux mariages, un double mariage, donc ça se termine relativement bien, mais là vous aussi... Vous trahissez déjà la fin du roman, hein, si vous dites début de l'émission. Nous aurons l'occasion d'y revenir, parce que rien n'est simple chez Jane Austen, et rien n'est neutre ni gratuit. Pourquoi rien n'est simple ? Rien n'est simple parce que c'est une œuvre à double fond. C'est une œuvre qui repose beaucoup sur l'ironie, et là d'ailleurs cet incipit est déjà traversé par l'ironie, parce que si l'argent est un facteur d'ordre pour le roman, on s'aperçoit ici qu'il est un facteur complet de désordre. Désordre pour celles qui sont le plus vulnérables et le plus exposées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu social là, dont on parle, c'est la haute gentry, la gentry foncière, et ses fortunes se transmettent uniquement aux membres masculins via les deux procédures de transmission d'héritage que sont la substitution d'héritage lintail et puis la primogéniture, qui privilégie effectivement le fils aîné au détriment des cadets, et qui exclut les femmes de la lignée et qui les force à l'exil. Et le tout début, vraiment le premier paragraphe de Raison et Sentiment, c'est une description de la demeure ancestrale de Norland, qui est vraiment synonyme d'harmonie, de beauté, de respectabilité. C'est vraiment la respectabilité du propriétaire terrien initial, hein, qui est mise en exergue. Et on voit que les autres chapitres, les chapitres suivants, vont déstabiliser, complètement subvertir ce bel ordonnancement immémorial, puisque la mort du pater familias signifie un revers de fortune immédiat pour les femmes exclues de l'héritage, une perte de fortune, de repères, de sécurité, de domicile, puisque elles sont exclues même aux marges de l'Angleterre. Elles vont dans le Devon, qui est un comté magnifique, certes, mais quand même bien en marge de Londres. Et dans le nom du domaine même, Norland, qu'on a entendu prononcer, on entend Norland. Norland, parce que les femmes n'ont pas accès à cette richesse foncière. Donc elles sont dépossédées. En tout cas, elles n'y ont pas accès selon les procédures pratiquées la plupart du temps. Parce que quand on lit Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugé, dont on parlera demain, on se rend compte qu'il y a d'autres procédures qui sont minoritaires, mais que Lady Catherine de Bourgh, par exemple, elle a eu accès à cet héritage-là. Donc encore une fois, Jane Austen est toujours dans la nuance. Elle n'est jamais manichéenne dans sa critique de ces procédures d'héritage et de transmission de la richesse. Ça veut dire que ce serait un contresens que de qualifier l'œuvre de Jane Austen de féministe ? Alors, la question du féminisme est compliquée, parce que est-ce que notre époque a vraiment le monopole du terme ou pas ? Alors, bon, pour mes collègues, il y a un débat, parce que on peut parler de proto-féminisme, en fait, pour des femmes qui se sont battues dès la fin du XVIIe siècle, et il y en avait en Grande-Bretagne, pour être reconnues en tant que femmes, avec l'autonomie et les droits que l'on accordait à l'époque uniquement aux hommes. Donc, je pense que ça n'est pas anachronique de parler de proto-féminisme. Et il y a des publications, les essais de Mary Astell, notamment, qui s'intéressent à l'émancipation, à l'éducation des femmes au XVIIIe siècle, et encore mieux, l'ouvrage de Lady Mary Wortley Montagu, ou en tout cas l'ouvrage qui lui est attribué, et dont le titre vaut son pesant d'or, puisqu'il s'intitule « La femme qui n'est pas inférieure à l'homme, ou brève et modeste défense du droit naturel qui est celui du beau sexe à une parfaite égalité de pouvoir, de dignité et de respect avec les hommes. Et ça, c'est le titre. Publié, c'est tout le titre. D'accord. C'est pour ça que je dis qu'il vaut son pesant d'or. Il est publié en 1739. Donc, il y a eu avant Jane Austen. Oui, Jane Austen naît en 1775 et meurt en 1817. Exactement. Et avant elle, donc, on voit qu'il y a eu des ouvrages des femmes auteurs qui se sont intéressées à la condition de la femme, mais surtout, il y a Mary Wollstonecraft qui, elle, marque le début du féminisme anglo-saxon et qui meurt donc juste avant que Jane Austen ne publie ses romans en 1797. Et Mary Wollstonecraft se définit elle-même comme la première d'une nouvelle espèce, c'est-à-dire une auteure qui affirme vouloir vivre de sa plume, qui se revendique philosophe dès 1787 et qui articule un véritable basculement dans la conception de la féminité, puisque elle est la première à exiger la féminité, la citoyenneté, pleine et entière des femmes, et elle met vraiment en regard cet assujettissement des femmes par les hommes et l'asservissement de certaines races. Hein. C'est ainsi qu'elle le décrit. Donc elle exige la citoyenneté. Donc on a des auteurs qui revendiquent une nouvelle forme de féminité, un nouvel accès aux droits. Donc je pense qu'on peut parler de féminisme à partir de Mary Wollstonecraft et de proto-féminisme, peut-être un peu avant. Jane Austen connaît ce débat. Oui. Elle connaît beaucoup de choses puisque la bibliothèque familiale comporte près de 500 volumes et les Austen sont de grands lecteurs, des lecteurs passionnés de philosophie, de romans, de poèmes. Et ils discutent en famille, ils discutent de ces lectures, ils organisent des pièces de théâtre. Donc ils ont cette culture-là, sauf que Mary Wollstonecraft pose problème. Elle pose problème non pas parce que ses écrits sont particulièrement progressistes, quoique Horace Walpole, qui est aussi un auteur très connu, la qualifie de hyène en jupon, mais elle pose problème surtout après sa mort, parce qu'elle était l'épouse de William Godwin, un philosophe et romancier radical, et Godwin, ivre de chagrin après la mort de sa femme, décide de lui consacrer une biographie dans laquelle il fait sans doute preuve d'un peu trop de franchise, puisqu'il énonce toute la vie agitée de sa femme, qui apparaît comme un personnage sulfureux avec des relations sexuelles hors mariage, ses tentatives de suicide, ses accès de désespoir, qui ont pour effet de rendre le nom même de Mary Wollstonecraft imprononçable, jusqu'à ce que George Eliot et Virginia Woolf ne la redécouvrent et ne lui redonnent ses lettres de noblesse en s'intéressant vraiment à sa pensée réformiste, radicale, révolutionnaire, progressiste. Mais Jane Austen la connaît. En fait, le romanesque est vraiment du côté de la ville, hein, plus que du côté du roman, de la fiction. Alors, pas chez Jane Austen, puisque elle a eu une existence alors sans événements majeurs qui ont troublé son cours. En tout cas, c'est ainsi que sa première biographie est racontée par l'un de ses frères. Mais là, alors, Wollstonecraft, c'est l'antithèse de Jane Austen. C'est le double noir, mais on sait que d'ailleurs Wollstonecraft est la maman de Mary Shelley, qui produira Frankenstein. Donc, voilà. Wollstonecraft est un personnage aussi particulièrement intéressant et attachant quand on s'intéresse aux femmes à cette époque-là, parce qu'elle marque vraiment une rupture. Ouais. Et elle inspire, donc, le roman de Jane Austen, elle inspire cette vision, alors peut-être pas féministe, donc pour répondre à la question initiale chez Jane Austen, mais en tout cas, une vision qui va remettre en question toutes les structures patriarcale en montrant que ce sont des structures et des institutions qui sont construites et pas si naturelles ou en tout cas pas si naturalisées que ça. Voilà, donc c'est le but de Jane Austen de démonter le système de l'intérieur à travers l'ironie, à travers la satire et de le faire d'une façon tout à fait nuancée et discrète. Un premier exemple d'ironie, une rencontre amoureuse, un homme qui sur son cheval vient sauver une jeune femme qui s'est foulée la cheville. Bien sûr, tout cela, nous sommes en Angleterre quand même, au cours d'une promenade sous la pluie. I'm taking you for a walk. No, I've been a walk. Need another. It's going to rain. It is not going to rain. You always say that, and then it always does. Derrière la barrière, il y a un champ plein de petits lapins. Existe-t-il félicité qui puisse supplanter celle-ci? Ça avait dit qu'il pleuvrait. Regarde, il y a du ciel bleu. Vite, courons à sa rencontre. Je n'ai pas le droit de courir. un chasseur, portant un fusil et accompagné de deux chiens d'arrêt qui gambadaient autour de lui, passait au sommet de la colline et se trouvait à quelques enjambées de Marianne quand l'accident survint. Il posa son fusil à terre et courut à son aide. Elle s'était relevée, mais s'étant foulé le pied dans sa chute, avait peine à se tenir debout. Le chasseur offrit ses services et, s'apercevant que la modestie lui faisait refuser ce que son état rendait indispensable, il la prit dans ses bras sans attendre et descendit ainsi la colline avec elle. Puis, passant par le jardin dont la porte avait été laissée ouverte par Margaret, il la porta directement dans la maison où celle-ci venait d'arriver et n'abandonna pas sa charge tant que la jeune fille ne fut pas installée par ses soins sur une chaise dans le salon. Elinor et sa mère se levèrent stupéfaites à leur entrée et, tandis que leur regard était fixé sur le jeune homme, manifestant une évidente surprise et une secrète admiration causées l'une et l'autre par son apparence, il chercha à se faire pardonner son intrusion en expliquant l'origine, et il le fit avec tant de franchise et de grâce que sa personne, qui avait des mérites peu communs, gagnait en séduction en raison du charme de la voix et de la manière dont il s'exprimait. S'il avait été vieux, laid et vulgaire, la gratitude et l'amabilité de la mère lui auraient été acquises de s'être montré seulement attentionné envers son enfant. Mais la jeunesse, la beauté et la distinction intervenaient pour donner un attrait à son geste qui touchait au plus profond la sensibilité de Madame Dashwood. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et nous lisons Jane Austen cette semaine, Raison et Sentiment, ce matin, en compagnie de Marie-Laure Masséi-Chamaillou. On est en plein mythe du prince charmant ici, hein, parce que vraiment il est sur son cheval, il vient sauver cette jeune femme qui s'est blessée. Pour bien comprendre le texte et avant de le commenter, on verra ceux de nos auditeurs qui auront saisi l'ironie de ce texte, qu'on peut lire aussi au premier degré. Présentez-nous les personnages qui sont Marianne et Elinor, Marie-Laure Masséi-Chamaillou. Oui, alors, donc Marianne et Elinor sont les deux héroïnes de Raison et Sentiment, Sense and Sensibility. Alors, quand on comprend qu'il s'agit d'un titre avec une opposition de termes, ouais, on se dit que les deux héroïnes vont être à l'opposé l'une de l'autre, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc Marianne serait du côté du sentiment et Elinor du côté de la raison. C'est la fille aînée. Sauf que dès le début, on nous dit bien dès le premier chapitre, le narrateur prend la peine de préciser que même si Marianne est l'héroïne passionnée, subversive par excellence, elle n'est pas dénuée de sens, donc de raison. Et bien qu'Elinor incarne la prudence, les bonnes manières, les convenances, le respect de ces bonnes manières en société, elle a des sentiments, elle peut éprouver des sentiments extrêmement forts. Donc dès le début, Jane Austen se démarque de la littérature romanesque qui la précède, et notamment le roman de sensibilité, le roman didactique, pour montrer que rien n'est manichéen. Tout est plus complexe qu'il n'y paraît. Et effectivement, cette scène est un exemple majeur de toute l'intelligence qu'il y a derrière le texte. Et encore une fois, rien n'est gratuit. C'est un roman admirablement structuré. Donc il ne faut jamais l'oublier à la lecture. Et pour comprendre vraiment cet extrait, il faut avoir lu finement le chapitre qui précède. Aïe, alors aidez-nous. Je vais en parler. Donc, pour recontextualiser, les demoiselles Dashwood et leur mère, qui n'ont donc pas eu accès à la demeure de Norland puisqu'elles ont été exclues des procédures d'héritage, sont désormais installées dans une maison de taille modeste, qui est décrite comme un cottage, dans le Devon. Et elles ont fait la connaissance du propriétaire des lieux, puisqu'elles sont à la merci d'un propriétaire, évidemment. Ce propriétaire s'appelle Sir John Middleton. Il a une belle-mère inénarrable qui s'appelle Mrs. Jennings, une veuve dont le passe-temps favori consiste à vouloir projeter des épousailles parmi tous les jeunes gens de sa connaissance, ce qu'elle s'empresse de faire pour Marianne notamment, et le colonel Brandon, qui est à la fois le héros mais peut-être l'anti-héros par rapport au personnage est décrit et dont on... C'est pas lui qui vient sauver la jeune femme sur son cheval. Là, c'est pas Willoughby. Mais pour l'instant, Willoughby n'est pas nommé. Ouais. Mais le lecteur a déjà rencontré le premier prétendant, le colonel Brandon. Et Mrs. Jennings est très sûre de son jugement quand elle veut que Marianne épouse le colonel Brandon, parce que pour elle, c'est le mariage parfait. Et le mariage parfait, qu'est-ce que c'est à l'époque? C'est quand l'homme est riche et que la femme est belle. Or là, c'est ça. Lui, le colonel Brandon, il est riche. Et Marianne est magnifique, c'est l'équation rêvée pour les commères, et tant pis si le colonel Brandon est beaucoup plus âgé, il a quand même atteint l'âge canonique de 35 ans. Mon Dieu. Alors que Marianne en a 17. Que 17. Voilà, et en plus il se plaint de rhumatisme. Donc il est l'anti-héros. Et il a passé beaucoup romantique. De temps dans les Indes, et donc la peau est brunie, donc ça le vieillit encore plus, dit la narratrice. Exactement. Donc du point de vue de Marianne, ce mariage est totalement inconcevable, car il contrevient à tous ses idéaux romantiques et romanesques qu'elle a acquis à travers la lecture de romans, de poésie, puisque le personnage de Marianne, nous le verrons, esthétise sa vie. Elle a une vision qui est du mariage parfait, qui est déjà préparée, qui est déjà prédéterminée, voire surdéterminée par toutes les représentations qu'elle a rencontrées dans la littérature de l'époque. C'est Madame Bovary. Elle la préfigure, c'est vrai. Or, le lecteur a donc en tête toutes ces infos lorsqu'il découvre cette scène inattendue, qui vient donc comme un coup de théâtre, parce qu'on ne s'attend pas à ça, alors que on part sur une possible intrigue avec des obstacles entre Marianne et le colonel Brandon. Et là, on voit cette scène, ce chasseur qui débarque et qui comporte tous les codes de la scène canonique, de la rencontre amoureuse, d'inspiration romantique et romanesque. Donc là, le lecteur a de nouvelles attentes immédiate en se disant non, là c'est vraiment le couple parfait. Et dans cette scène, Marianne est à terre. Donc ça c'est important. Elle est à terre parce qu'elle est tombée, elle est donc dans une position de passivité qui symbolise aussi très bien le statut de la femme dans la société patriarcale, hein. Le fait qu'elle soit dépendante d'un homme et d'un mariage pour s'en sortir dans la vie. Et elle est tombée parce que le texte nous le dit malicieusement juste avant, parce qu'elle a fait un faux pas. Donc ça, c'est pas bon, hein, moralement, si elle commence à faire des faux pas. Donc le texte nous le dit malicieusement. Bon, alors là, c'est dans sa course folle pour échapper à la pluie. Hein. Oui. Vous l'avez rappelé, on est en Angleterre. Oui. Et l'idée, là, c'est que non seulement elle est tombée à cause de son faux pas, mais elle tombe littéralement amoureuse de son sauveur, ce chasseur qui, pour l'instant, n'a pas de nom, qu'elle n'ose d'ailleurs regarder dans les yeux quand il la porte, parce que là, la pudeur le lui interdit. Ils sont trempés, au fait, il faut le dire. En plus, ils sont trempés, puis elle ne voit pas bien, parce que justement, la pluie l'empêche de bien voir à qui elle a affaire. Mais en tout cas, il dégage un charme tel que ce charme agit sur toute la famille Dashwood, même Elinor. Donc, on voit qu'elle n'est pas si raisonnable que ça. Hein, la sœur aînée, donc. La sœur aînée, voilà. Et le point de vue du narrateur, là, peut nous induire en erreur, parce qu'il est vraiment plutôt flatteur et élogieux envers Willoughby, dont le comportement est manifestement chevaleresque et touchant. Il a le charme du héros romantique, et surtout, il est jeune. Comparé au colonel Brandon, il est jeune, il est affable, beau. Il est beau, il est distingué, et il a surtout une beauté virile. Ah, donc ça c'est important. Et une grâce peu commune, c'est l'antithèse du colonel Brandon. Cependant, dans un roman de Jane Austen, il faut toujours se méfier de ses premières impressions. Et vous le verrez demain, Premières impressions, c'était le titre initial d'Orgueil et Préjugé. Pride and Prejudice, et Jane Austen s'intéresse justement à ses premières impressions et elle essaie de voir en quoi elles sont fiables ou non et en quoi elles permettent d'arriver à la vérité. Et là, dans le texte, c'est comme l'incipit, hein. Le texte comporte en germe sa propre déconstruction pour le lecteur. Parce que Willoughby est présenté comme un chasseur. Et on apprendra par la suite que c'est un chasseur qui ne chasse pas que du gibier. Il chasse aussi des proies féminines, de jolies proies si possible, et surtout très bien dotées. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un bon train de vie, de mener grand train à la campagne comme à la ville. Et dans cet extrait, il y a un mot-clé. Et qui est le mot séduction. Et il faut le comprendre ici dans son sens étymologique. Hein. Séduquere, hein. C'est l'action de corrompre, d'amener quelqu'un sur des chemins de traverse, d'amener quelqu'un peut-être à commettre une faute morale. Et Willoughby est celui qui va compromettre pratiquement la réputation de Marianne, mais aussi sa beauté et sa santé, comme on le verra dans l'extrait suivant. D'autant que le narrateur évoque tout de suite le charme de sa voix, et on sait que la voix, la parole peuvent servir à dire la vérité, mais aussi à tromper. Et ce qui est important, c'est le patronyme aussi de Willoughby. Alors là, il n'est pas dans l'extrait, mais là, j'apporte une info supplémentaire. Willoughby, ça n'est pas un patronyme inconnu pour les lecteurs de l'époque. Et Jane Austen aime beaucoup jouer sur cette intertextualité parce que Willoughby est le nom d'un libertin. sans scrupules, qui apparaît dans le roman de Frances Burney, Evelina, qui a été publié en 1778. Et Burney est vraiment une des romancières que Jane Austen admire le plus et dans la lignée de laquelle elle s'inscrit dans l'abbaye de Northanger. Donc je pense que vous y reviendrez. On en parlera mercredi. Voilà, mercredi. Et donc, c'est la romancière modèle hein, pour Jane Austen. Et cette référence à Willoughby en forme de clin d'œil est un hommage que les lecteurs et les lectrices de l'époque ne pouvaient manquer de décoder. Donc, dès que le personnage apparaît, pour les lecteurs contemporains de Jane Austen, ils savent que c'est un libertin. Parce que leur rencontre, on y croit et puis ils ont l'air de vraiment tomber amoureux. Mais ils tombent amoureux, c'est réellement ça. Et c'est pour ça que je dis que le point de vue du narrateur ici est plutôt flatteur et élogieux et que Willoughby a un comportement objectivement chevaleresque. Donc là aussi, le roué n'est pas toujours un roué. Le libertin peut être libertin, mais avoir aussi des bonnes manières. Donc encore une fois, on n'est jamais dans une présentation manichéenne. Et donc, nous voyons, donc pour conclure sur cette scène, que ce coup de foudre romantique est très simple à première vue. Il est en fait beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, surtout lorsqu'on relit le roman. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Jane Austen travaille pour des lecteurs qui ont une certaine sagacité. Elle veut des lecteurs qui participent au processus de lecture. Et ça n'est que rétrospectivement que l'on peut vraiment décoder et analyser cet extrait de façon correcte, et ce n'est que rétrospectivement que les zones d'ombre apparaissent. Un point avant d'avancer dans la lecture de Raison et Sentiment, un point sur la traduction sense and sensibility. On n'entend pas raison. Sense, est-ce que c'est le synonyme de raison? Sensibility, est-ce que c'est le synonyme de sentiment? Il y a une traduction qui propose le cœur et la raison. Comment est-ce qu'on comprend tout ça? Alors, encore une fois, tout est complexe chez Jane Austen. Alors, sense, c'est évidemment le sens, la raison et surtout le bon sens. Le bon sens, c'est le ça. Le bon sens qui doit permettre de tempérer un sentiment trop exagéré, trop exacerbé. Et sensibility, bon, on va le voir tout à l'heure parce que je vais un peu recontextualiser cette notion qui a un arrière-plan philosophique mais aussi surtout politique dans un contexte de révolution française, de terreur. Sensibility, c'est compliqué. Parce que ça peut être aussi une notion associée à la sensibilité, à la faculté de percevoir et de ressentir, mais ça peut être synonyme en anglais de sensitivity, donc c'est le fait vraiment d'être sensible et d'avoir des émotions. Les deux mots sont très proches, même donc en anglais. Proche, hein. On dit de quelqu'un qui est sensible, ça veut dire qu'il est sensé. Il est sensé, exactement. Sensible, ça n'est pas que sensible sur le plan du ressenti, c'est aussi être sensé. Et donc, encore une fois, Austen montre que pour accéder à une bonne connaissance de soi-même, de ses sentiments, des autres, et parvenir à réaliser un mariage qui a toutes les chances de réussir, il faut qu'il y ait un équilibre, une harmonie entre les sens et la raison. Et dans le titre choisi, la traduction choisie, le cœur et la raison, qui a sans doute une raison que les traducteurs... Que le cœur ignore. Voilà, ont dû expliquer, mais ou qui peut être justifié par eux. Mais il est vrai que je préfère raison et sentiment, ne serait-ce que par fidélité au titre initial qui commence par sense. Si Jane Austen avait voulu mettre sensibility en premier, elle l'aurait fait. Alors, prenons un exemple justement, ça nous conduit directement au deuxième texte qu'on va entendre ensemble pour voir comment Jane Austen décortique, analyse justement la sensibilité. Dans cet extrait, la sensibilité semble avoir emporté sur la raison, si tant est qu'il faille opposer les deux. C'est Marianne elle-même qui se retrouve dans une situation compliquée. Peut-être pouvez-vous nous contextualiser un tout petit peu le texte, Marie-Laure Massey-Chamoyeu, afin qu'on puisse vraiment... prendre la mesure de sa finesse quand on l'écoutera. Oui, alors dans le chapitre précédent, parce qu'à nouveau il faut lire le chapitre précédent pour comprendre ce chapitre 16, on a appris que Willoughby a dû quitter précipitamment le Devon alors que sa relation amoureuse avec Marianne, qui est vraiment une relation amoureuse authentique et sincère, en tout cas au niveau des sentiments, ne cessait de se développer. Et il paraissait sincèrement heureux de cette histoire, il était gai, affectueux, et à nouveau coup de théâtre, coup du sort, mais c'est le roman des coups de théâtre et des coups du sort. Le voilà parti, sans intention de revenir, et comme d'ailleurs un certain nombre d'hommes dans ce roman qui apparaissent peu fiables, inconstants, avec des comportements un peu difficiles à déchiffrer. En apparence, parce qu'en fait ils ont tous des bonnes raisons de le faire. Hein. Exactement. Mais on y reviendra. Très bien. Donc cet abandon de Marianne par Willoughby plonge Marianne dans un abattement et un désarroi qui ne cesse de s'amplifier, ce qui donne à Jane Austen l'occasion de mettre en scène tous les dangers liés à une sensibilité trop prononcée. Voici le texte lu par Camille Lamache. Marianne aurait pensé qu'elle n'avait pas la moindre excuse. Si elle avait pu dormir un tant soit peu la nuit qui suivit la séparation d'avec Willoughby. Elle aurait eu honte de regarder les membres de sa famille droit dans les yeux si elle n'avait quitté son lit en ayant davantage besoin de repos que lorsqu'elle s'était couchée. Mais les sentiments qui faisaient un déshonneur d'une telle sérénité ne lui laissaient que peu de chances de s'en rendre coupable. Elle demeura éveillée toute la nuit, en larmes la plupart du temps. Elle se leva avec la migraine, incapable de tenir une conversation, repoussant toute nourriture, désolant à chaque instant sa mère et ses sœurs et s'opposant à toute tentative pour la consoler, d'où qu'elle vînt. Sa sensibilité était assez forte pour cela. Après le petit déjeuner, elle sortit seule, à pied, pour errer dans le village d'Allenham, se complaisant à se remémorer les moments heureux du passé et pleurant sur les vicissitudes présentes pendant la plus grande partie de la matinée. La soirée se passa à faire de même manière la part belle aux sentiments. Elle rejoua chacune des mélodies préférées qu'elle jouait pour Willoughby, chacun des airs à l'occasion desquels leur voix s'était le plus souvent mêlée, et s'assit à son instrument, le regard perdu devant chacune des portées musicales qu'il avait copiées à son intention, jusqu'à ce que son cœur fût si lourd que sa tristesse ne pût s'augmenter davantage. Tous les jours, sa douleur fut entretenue de la sorte. Elle passa des heures entières au piano, alternativement à chanter et à sangloter, la voix plus d'une fois complètement étouffée par les larmes. Les livres, aussi bien que la musique, lui servirent à courtiser le malheur qu'un contraste entre passé et présent ne pouvait manquer de susciter. Elle ne lut rien d'autre que ce qu'ils avaient coutume de lire ensemble. Une affection aussi vive ne pouvait cependant être toujours poussée à la même extrémité. Au bout de quelques jours, elle fit place à une mélancolie plus tranquille. Mais ses occupations, auxquelles elle s'adonnait journellement, ses promenades solitaires et ses méditations silencieuses, donnaient encore lieu parfois à des manifestations de chagrin aussi violentes que jamais. Comme dans tout bon chagrin d'amour qui se respecte, l'héroïne marche sous la pluie en récitant un sonnet de Shakespeare. On est quand même en plein cliché ici. Difficile d'entendre ce texte sans sourire tellement... Alors vous dites le narrateur, moi c'est vrai que j'entends une narratrice, mais ça bon, peu importe. Insiste sur le souci d'entretenir cette tristesse. Sa douleur fut entretenue de la sorte, il faut courtiser le malheur, il y a une délectation à la tristesse qui en effet prête à sourire, Marie-Laure Masséi-Chamaillou. Alors, plusieurs remarques. Alors, on peut parler de voix narrative, si ouais. Ça peut aider une compréhension plus juste. Alors, à nouveau, c'est un extrait remarquablement construit, puisqu'il nous donne accès aux palpitations intimes de l'héroïne de sensibilité, qui contraste à nouveau avec toute la prudence et la retenue de la sœur aînée, donc d'Eleanor. Et donc, on voit dans ce passage comment la sensibilité est susceptible de dégénérer en pathologie. Ouais. Et en pathologie grave, puisque elle empêche Marianne d'interagir socialement. On voit une héroïne qui s'enferme dans un certain solipsisme. Alors, ce que condamne absolument Jane Austen, qui elle, au contraire, valorise l'action sociale utile au sein de sa famille et au sein de la société. Et alors, on peut prendre cette scène au premier degré, effectivement. Mais à nouveau, cette scène est traversée par l'ironie. On a une héroïne initialement pleine d'énergie, puisque Marianne Dashwood, c'est vraiment l'héroïne qui a le prénom d'ailleurs de l'égérie de la Révolution française. Hein. Donc elle est éminemment subversive, pleine d'énergie, de sentiments. Elle recherche la spontanéité, elle recherche l'authenticité du langage et du sentiment amoureux. Et là, on la voit dégénérer. Elle dégénère en caricature d'héroïne, de roman de sensibilité, et c'est là qu'on voit qu'elle est vraiment complètement prisonnière de clichés préconstruits, et elle tombe à nouveau dans les schémas de comportement les plus conventionnels qui soient, mais qui sont médiés par l'intellect. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le premier verbe qui ouvre le passage n'est pas de l'ordre du ressenti, c'est le verbe penser. Et Jane Austen suggère immédiatement que tout son comportement est influencé, voire médié par des représentations intellectuelles et esthétiques complètement stéréotypées. Et ce verbe penser est particulièrement intéressant dans cet extrait, parce que Jane Austen montre qu'il faut mettre à distance, alors non pas peut-être les sentiments de Marianne, dont la sincérité ne peut pas être questionnée, hein, mais toute la théâtralisation, toute l'artificialité préjudiciable qui vont avec. Et c'est comme ça que Jane Austen essaie, alors je ne sais pas si elle y parvient, parce que si on lit trop vite, on ne se rend compte de rien, on prend tout au premier degré, mais c'est en tout cas de cette manière-là qu'elle essaye de déconditionner les lecteurs de son époque, de déconditionner leurs attentes, leur vision de la femme et du sentiment amoureux. Et c'est ça aussi qui rend Raison et Sentiment un peu plus complexe qu'il n'y paraît à première vue, parce qu'on se rend compte que c'est un roman auto-réflexif. Mais juste pour bien comprendre, donc ce type de roman, en tout cas celui-là, il est nouveau au moment où il paraît, c'est-à-dire que la littérature qui précède Jane Austen ne ressemble pas du tout à ça. La littérature qui précède est une littérature sentimentale, avec un roman de sensibilité dont le langage est complètement éculé, en fait, parce que c'est un langage qui ne permet plus de parvenir à l'authenticité du sentiment amoureux, l'authenticité de la représentation. Et Jane Austen comprend qu'elle hérite d'un genre particulièrement puissant. Elle comprend que le genre romanesque, en termes de représentation, ça peut vraiment influencer les lecteurs, ça peut éduquer le goût, le jugement, le discernement, ce qu'elle essaie de faire. Et elle le dit d'ailleurs dans l'Abbaye de Nonsinger, alors qui sera publié bien après, mais qui a été composé juste avant. Et ce qu'elle dit, alors je vais juste lire un extrait pour vous montrer à quel point dans l'Abbaye de Nonsinger, le genre romanesque est prisé. Elle se lance dans une défense parce qu'elle dit qu'en un mot, le roman, ça n'est pas rien. C'est un ouvrage où se manifestent les plus grands talents de l'esprit, où sont transmis au monde, dans un langage choisi, la connaissance la plus complète de la nature humaine, la peinture la plus juste de sa diversité, les traits les plus vifs d'esprit et d'humour. Donc elle prend vraiment ce genre au sérieux. Elle hérite de codes, les codes de la littérature sentimentale. Elle se dit que ça n'est pas possible de continuer à donner aux jeunes filles des modèles qui contribuent à enfermer les jeunes femmes dans une faiblesse mortifère. Et donc, l'idée phare, là, dans ce passage qu'on vient d'entendre, c'est qu'il faut faire preuve de bon sens et de discernement, même quand on a un chagrin d'amour, et si possible, de force d'âme, cette fortitude qui est pour Jane la qualité essentielle pour surmonter les obstacles de l'existence. Et ce qui est drôle et comique dans ce passage, c'est que si le message intellectuel est trop ironique ou trop subtil pour être compris, elle emploie d'autres techniques pour se moquer de Marianne, en soulignant les conséquences extrêmement prosaïques d'un comportement si peu raisonnable, puisque Marianne a décidé de passer la nuit à pleurer, Jane Austen va la punir, et Marianne va se réveiller avec une bonne migraine et les yeux bien rouges. Donc là, je pense que c'est clair, le message est clair, s'abandonner à la douleur est contre-productif. Marianne le voit comme un sacrifice, et Jane Austen montre que c'est un sacrifice qui n'a rien de sacré en soi, puisqu'il n'apporte rien. Et l'idéal à l'époque du roman sentimental, c'était l'ouvrage de Goethe, Les souffrances du jeune Werther. Et Jane Austen refuse de s'inscrire dans cette histoire littéraire-là. Elle récuse cette littérature sentimentale, qui est réellement mortifère, parce qu'on sait que les souffrances du jeune Werther, ça a conduit à une vague de suicides à travers toute l'Europe. Donc, c'est en cela que Jane Austen se démarque là, dans Raison et Sentiment, de cette tradition littéraire-là. D'abord parce qu'elle pense qu'on ne meurt pas d'un chagrin d'amour. Elle le dit dans ses lettres à ses nièces. Elle dit non, mais là, c'est vraiment inutile. Personne ne meurt jamais d'un chagrin d'amour. On surmonte. Et elle tient à donner à Marianne une bonne leçon. Elle la maintient en vie, exprès, au lieu de la faire mourir comme l'héroïne. Elle manque de mourir, hein. Elle a, c'est dit d'une fièvre. À un moment donné, elle attrapée ne veut sous la pluie vivre. Qu'on a entendu. Elle ne veut plus vivre, mais Jane Austen fait exprès de ne pas souscrire à ces clichés du roman sentimental ou du roman sensible, puisqu'elle tient à donner à Marianne une bonne leçon. Donc elle va la maintenir en vie pour qu'elle puisse vraiment faire l'expérience de son destin extraordinaire et comprendre qu'on se remet toujours d'un premier chagrin d'amour, qui était le cliché de la littérature sentimentale. On ne devait pas surmonter un premier chagrin d'amour. Vous disiez juste avant qu'on entende ce texte qu'il y avait un contexte et des dimensions philosophiques et politiques qu'il fallait avoir en tête. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots avant qu'on avance ? Oui, alors sur la sensibilité, c'est essentiel. Parce que donc la sensibilité, au XVIIIe siècle, c'est d'abord une faculté, avant d'être une qualité, hein, qui va être de plus en plus prisée au cours du siècle. C'est une faculté chez les philosophes, notamment Shaftesbury, qui nommait sensibilité, sens moral. Alors là aussi, c'est intéressant de voir qu'on a sensibilité, mais c'est un sens moral. Et pour Shaftesbury, c'est une faculté bien utile parce que c'est une force qui nous relie au reste de l'univers et qui recouvre, d'après lui, un ensemble de tendance spontanée qui pousse chacun à prendre soin de soi, mais aussi des autres. Donc il y a une dimension altruiste. Hein. Et quand on utilise cette force, il faut évidemment la tempérer par la raison, mais pour gagner en épanouissement et en vertu, donc en bonheur. Et au-delà de cette capacité à ressentir et à éprouver ses émotions, la sensibilité a une dimension morale, donc intellectuelle, esthétique. Et c'est là que sensibility peut être en anglais synonyme de sensitivity. Donc cette sensibilité particulière qui est représentée aussi dans les romans de Stern, de Mackenzie, sous la forme de personnages larmoyants. Et c'est là que le terme commence à prendre des connotations négatives et que ce langage est complètement en faillite parce qu'elle devient galvaudée, elle devient synonyme d'affectation, de sentiments artificiels, forcés, outranciers, comme ce que l'on vient d'entendre dans cet extrait. Ouais. Mais Mary Wollstonecraft, pour en revenir à elle, a dénoncé les écueils d'une sensibilité trop prisée, notamment par rapport aux femmes, puisque ce culte d'une sensibilité féminine contribuait à maintenir les femmes dans un état de faiblesse, et elle parle même de débilité, de faiblesse, d'infériorité, en leur refusant le statut d'être rationnel. Mais il y a encore un autre niveau de lecture, c'est le problème politique associé à ces sentiments débridés. Ces passions exacerbées peuvent conduire à un individualisme forcené qui peut pousser une jeune femme comme Marianne non seulement à négliger les convenances mais aussi à se soustraire aux contraintes de la société. Et dans le contexte révolutionnaire qui était toujours présent au moment où Jane Austen publie ses romans, on rend l'excès de sensibilité responsable des désordres et des horreurs de la terreur en France. Hein. Mmh. Cultiver à l'excès les élans du cœur et les passions débridées peut conduire à une confusion morale, voire à l'anarchisme et à l'anarchie sanglante qui s'est déchaînée en France et qui a fait tant de morts. Et Jane Austen est parfaitement au fait de ces débats. Et c'est pour cela que la sensibilité doit s'analyser à différents niveaux. Encore une fois, rien n'est manichéen, hein, tout est plus complexe qu'il n'y paraît. Et la sensibilité devient dans le roman une pierre de touche pour évaluer non seulement la valeur des différents personnages, mais aussi les valeurs défendues ou représentées par les différents personnages. Est-ce qu'il y a un lien avec la philosophie de David Hume ? Alors, il y a un lien parce que Jane Austen a lu aussi cette philosophie-là et qu'elle s'inspire aussi du style humien, notamment dans le L'Incipit d'Orgueil et Préjugés. Donc avec l'idée justement que la connaissance vient des sens. Connaissance vient des sens, mais il faut se méfier des premières impressions. Mmh. Donc oui, il y a toute une dimension épistémologique dans cette étude de la sensibilité qu'elle explore, qu'elle décortique, qu'elle exploite, qu'elle met en scène pour en dénoncer les dangers. Alors, elle l'avait déjà fait dans ses œuvres de jeunesse, mais ça tenait vraiment plus d'une parodie. Elle avait vraiment parodié tous les travers de la littérature de sensibilité en se moquant des jeunes filles qui passaient leur temps à s'évanouir ou à fondre en larmes pour correspondre aux représentations normées véhiculées à l'époque par ces romans-là et par les manuels de conduite. Et là, elle propose donc un autre modèle de femme. Oh, my dears, what a commotion. Mr. Edward Ferris, the very one I used to joke you about, Miss Dashwood, is engaged these 5 years to Lucy Steele. Monsieur Edward Ferris était fiancé depuis 5 ans à Lucy Steele. Le voilà rejeté sans un sou vaillant. Madame Ferras a tout légué irrévocablement à Monsieur Robert. Mais je ne m'arrête pas. Il faut que je voie Lucie. Votre belle-sœur n'a pas décoléré contre elle, au point qu'elle en a fait une crise d'hystérie. Depuis quand le savais-tu? Pourquoi ne t'es-tu pas confiée à moi? Lucie me l'avait révélé en grande confidence. Oh. Je me devais de tenir ma parole. Mais c'est toi qu'Edouard aime. Il ne m'a fait aucune promesse. Il a cherché à me parler de Lucie. Il ne peut pas épouser Lucie. Veux-tu qu'il la traite de façon plus vile que Willoughby t'a traité? Non. Mais je ne veux pas non plus qu'il épouse sans amour. Edouard a donné sa foi il y a longtemps. À l'époque, il ne me connaissait même pas. Il se peut qu'il abrite quelques regrets. Cependant, je crois qu'il trouvera le bonheur en sachant qu'il a fait son devoir et tenu sa parole. Après tout, il y a du merveilleux dans l'idée que notre bonheur dépend entièrement d'une seule personne. Ce n'est pas toujours possible, il faut l'accepter. Toujours cette résignation, cette acceptation. Toujours cette prudence, l'honneur, le devoir. Éléonore, où est ton cœur? Que sais-tu de mon cœur? Que sais-tu de ce qui n'est pas ta propre souffrance? Tu peux me croire, Marianne, si je n'avais pas été tenue au silence, j'aurais pu donner la preuve que mon cœur était brisé même à tes propres yeux. Que sais-tu de mon cœur? Demande Elinor à sa sœur Marianne. Alors qu'Elinor vient d'apprendre que la personne dont elle était amoureuse, Edward Ferris, qui était aussi amoureux d'elle, est en réalité engaged. Le mot anglais est d'ailleurs plus significatif que le mot français, vraiment engagé, donc fiancé à une personne depuis 4 ans. Elle apprend ça, donc c'est la fin de tout espoir de mariage avec cet homme. Que sais-tu de mon cœur? C'est vraiment une manière de dire, mais finalement, j'ai l'air d'être cette personne sage, prudente, sensée, qui fait attention à l'honneur, mais en réalité, il se passe autre chose derrière cette bienséance de façade. Et c'est ce qui est le plus difficile à représenter, parce que c'est le roman des secrets, des non-dits. Et Jane Austen s'interroge d'ailleurs dans tous ses romans, hein, dans toute son œuvre, sur la meilleure manière de transmettre la vérité, la véracité, l'authenticité des pensées, des sentiments. Mais quand on éprouve une passion ou un sentiment trop fort au-delà du dicible, le mieux est peut-être de justement ne pas le représenter. Et donc il est toujours difficile de comprendre ce qui se cache derrière les émois du cœur. On a beau disséquer, on a beau explorer, tenter d'explorer, on est peut-être toujours dans l'indicible. Ah, vous croyez ? Finalement, il y a une chose que la littérature ne pourra jamais atteindre. C'est ce que Jane Austen, en tout cas, pense, et c'est peut-être mieux ainsi. Ah bon? Et c'est pour ça que ces dénouements sont si intéressants, parce que encore une fois, le texte nous laisse dans une indécidabilité qui fait toute la richesse aussi de l'interprétation et de l'œuvre. Mais donc c'est forcément déceptif comme expérience? Ah non, moi je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que on ne sait jamais déjà qui on est réellement. On est sujet à des changements, à des fluctuations, et puis c'est très difficile d'arriver à une connaissance de l'autre qui soit parfaite et complète. Et puis, est-ce vraiment souhaitable? Dans la vie, certainement pas. En littérature, la question se pose, puisque c'est elle qui invente, Jane Austen qui invente ces personnages. Donc elle les invente avec cette complexité-là. Elle les invente en faisant en sorte qu'elle leur échappe. Et c'est ce qui la distingue de toute la littérature qui la précède. Et c'est ce qui en fait la richesse, hein. Mais elle cherche aussi à pénétrer cette intériorité grâce à une nouvelle technique narrative. Alors ça, c'est important aussi, parce que c'est le discours indirect libre. Et ce discours indirect libre qu'elle a hérité de Henry Fielding, de Frances Burney, permet au lecteur quand même d'avoir accès à une forme d'intériorité des personnages, puisque c'est une technique qui permet d'entendre à la fois la voix du personnage et celle du narrateur, qui donne donc une plus grande fluidité, une plus grande souplesse à la phrase, et qui permet sans doute d'entendre une intériorité bien qu'elle reste distante par la forme même de cette technique de narration, mais qui marque raison et sentiment, qui marque ce roman et qui fait de ce roman un roman de transition dans l'histoire littéraire, puisqu'on va vers un nouveau mode de narration et un questionnement sur ce qu'on peut dire ou pas. Et l'extrait qu'on a entendu est quand même agréable, alors non pas pour Elinor, hein, mais parce qu'il vient faire contrepoint, c'est un coup de théâtre qui casse le rythme qui peut être un peu monotone dans ce roman qui est quand même assez sombre du début à la fin. Ça n'a rien à voir avec Orgueil et Préjugés, qui est vraiment un roman beaucoup plus léger, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus brillant. Là, le ton reste sombre. Donc c'est bien d'avoir des coups de théâtre comme ça, pour relancer l'attention du lecteur. Et c'est le film d'Ang Lee, d'ailleurs, de 1995, dont on a diffusé quelques extraits aujourd'hui, qui a contribué à faire en sorte que ce texte soit connu aussi du grand public, parce qu'il n'a pas été énormément lu entre sa parution et le XXe siècle. Ça n'est pas le roman le plus populaire, ouais, effectivement, de Jane Austen, alors que c'est le premier publié, et donc c'est vraiment celui qui lance sa carrière de romancière respectable, même si on ne sait pas qui se cache derrière la publication, hein, puisqu'elle le publie alors en restant dans l'anonymat, mais elle tient quand même à avoir la mention « by a lady ». Donc elle s'inscrit quand même dans une certaine narration genrée. Donc mais par une femme. Par une dame. Par une dame. Voilà, l'idée c'est qu'elle soit quand même une dame respectable. Et c'est aussi un moyen pour elle de se démarquer avec la littérature qui l'a précédée, encore une fois. Et donc elle cherche à donner au roman ses lettres de noblesse. Et donc, pour en revenir à l'adaptation, cette adaptation d'Ang Lee est intéressante parce que il s'agit d'un double travail, ou en tout cas d'un duo. Il y a Ang Lee, le réalisateur, mais il y a aussi la scénariste. Et la scénariste, de façon très intéressante et judicieuse, c'est Emma Thompson. Qui joue Elinor dans le film. Exactement, qui est aussi actrice et qui a mis 4 ans à rédiger ce scénario parce que elle voulait qu'il y ait quand même une dimension légèrement, alors peut-être pas féministe, mais en tout cas qui prenne en compte l'oppression de la femme et qui montre que voilà, il fallait comprendre ce sous-texte-là. Et c'est une représentation qui s'inscrit dans le contexte du film Heritage Film, film patrimonial, ouais, avec donc un respect pour l'authenticité historique, des beaux costumes, de beaux décors, mais ça n'est pas une bluette, ou pas tout à fait. Pour en savoir plus, on peut lire votre livre. On mettra les références en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Marie-Laure Massé et Hicham Ayou, un grand merci d'être venu ouvrir cette semaine sur Austen ce matin. Et on se quitte avec Marianne, figurez-vous, mais la Marianne de Leonard Cohen. C'est moi qui vous remercie. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began. And laugh about it all again. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh. So long, Marianne, par Leonard Cohen, pour annoncer l'arrivée de Frédéric Worms, France Culture, les chemins de la philosophie, et sa chronique quotidienne, le pourquoi du comment. Pourquoi y a-t-il des maladies ? quand l'un de nous ou l'une d'entre nous tombe malade, et que qu'il s'agisse de nous-mêmes ou de nos proches, ou parfois dans une société d'une maladie qui se répand, nous sommes frappés d'un sentiment d'injustice et d'indignation. Pourquoi la maladie? C'est une question qui, au fond, touche à la question même du mal. Et le lien entre ces deux termes est d'ailleurs très frappant. Le mal, c'est aussi, par exemple, dans le haut mal qui désignait l'épilepsie, le mal, c'est d'abord ce qui frappe les vivants, ce qui les conduit possiblement à la mort, à la destruction de leurs capacités qui peuvent aussi leur apporter tant de bien. Pourquoi la maladie? C'est donc aussi en apparence une question métaphysique, une question travaillée de métaphysique et qui peut aller vers la question du bien et du mal. Mais peut-être justement faut-il prendre la question plus modestement et comprendre d'abord pourquoi y a-t-il des maladies chez les vivants, pour comprendre peut-être aussi ce que signifie vraiment le bien et le mal. Pourquoi donc y a-t-il des maladies? Aujourd'hui, l'une des théories les plus profonde peut-être de l'existence, de l'expérience et de surgissement des maladies, avant même leur explication causale, il faut une explication en quelque sorte d'ensemble, une explication philosophique. Qu'est-ce qui cause les maladies? Au fond, qu'est-ce qu'une maladie? La maladie, c'est le dérèglement d'une fonction d'un être vivant qui peut aussi fonctionner selon une règle qu'on appelle normale, une règle qui définit par opposition au fond la santé. Que définit donc la maladie? Qu'est-ce qui rend possible la maladie? C'est le fait qu'un vivant ne se définit pas seulement par une constitution définitive, mais d'abord par une régulation, par un équilibre fragile qui l'a constitué au cours de l'évolution et dans son rapport à son milieu. Et le vivant, ce n'est donc pas un état garanti sur facture, ce n'est pas une essence, c'est toujours une conquête, un équilibre fragile, un peu comme la température, qu'on appelle aussi l'homéostasie, la température de nos corps, eh bien, qui justement est souvent un critère de nos maladies, avoir trop ou trop peu de température. Au-dessus de 37,7 par exemple, nos thermomètres se mettent à sonner, eh bien la maladie c'est toujours ce seuil, ce degré qui fait que notre fonctionnement passe du normal au pathologique. C'est un défaut de régulation d'un, non seulement d'ailleurs d'un organe particulier, mais de la totalité de notre vie. La maladie désigne donc notre condition de vivant comme une condition d'équilibre, toujours menacée par des dangers et toujours chargée de se protéger. Et d'ailleurs, elle renvoie aussi, évidemment, à la mortalité en général du vivant qui use ses forces dans la préservation de sa vie, dans la régulation face aux dangers qui le menacent. La maladie nous renvoie donc à la fois à la condition du vivant, à sa relation à son milieu, à la nécessité de se protéger et à la définition d'un bien par opposition à ce mal, et cela jamais seulement d'une façon causale et objective, mais aussi à une expérience globale, individuelle, subjective, et dans le cas des humains, qui justifie le fonctionnement de la société. Ainsi, la maladie, c'est ce contre quoi nous luttons. Peut-être faut-il définir ainsi le mal en général, non pas comme une fatalité, mais pas non plus comme une fiction, quelque chose de très concret qui nous menace et contre lequel nous pouvons agir. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique Le Pourquoi du Comment est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Thaïs Éloi Hammer avec Jules Barbier, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la lecture des textes, c'était Camille Lamache, à la prise de son d'Aliya. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Jane Austen. 4 romans et beaucoup de mariages, hein, c'est le programme cette semaine. Après Raison et Sentiments ce matin, demain nous parlerons d'orgueil, de préjugés et autres obstacles à l'amour. Ce sera en compagnie de Catherine Riwa. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission, notamment en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct, mais aussi en podcast, en téléchargement. Et on vous attend sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.